Restez avec nous, on écoute Histoire vivante sur la première. Passez un bel après-midi. Fin novembre 2018, les changements législatifs en Hongrie forcent l'Université d'Europe centrale à Budapest, fondée par George Soros, à déménager en Autriche. L'université a finalement préféré prendre les devants plutôt que d'attendre un hypothétique feu vert de la part du souverainiste Viktor Orban, après plus d'un an et demi d'une bataille juridique sans équivalent au sein de l'Union européenne, elle a annoncé en octobre 2018 le déménagement à Vienne de ses cursus internationaux à partir du 1er décembre. Histoire vivante s'est rendue à l'été 2018 dans cette université à Budapest. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, portrait d'un sociologue hongrois. Eh bien, je suis Viktor Karadi. Savoir et politique. J'ai fait ma carrière de chercheur en sociologie historique à Paris. Itinéraire d'une pensée. Paradis, on vous retrouve dans votre bureau, ici, dans ce centre universitaire. Vous allez nous rappeler le nom. Central European University. Quand on lit votre fiche, on voit Viktor Karadi consacre l'essentiel de ses recherches à l'histoire de l'Europe centrale. Et pourtant, vous nous disiez hier que les événements et aussi le désir qui vous ont amené à Paris, en passant par l'Autriche et un peu l'Allemagne, vous ont amené à travailler initialement sur d'abord les travaux de Marcel Mauss et puis après coup d'Émile Durkheim, autrement dit toute une partie qui concerne la construction de l'histoire de la sociologie française. Alors, on va être obligé, évidemment, de passer à grandes enjambées et d'aller un petit peu plus tard. Amenez-nous sur ce qui va être, me semble-t-il, l'objet principal de vos recherches, à savoir l'Europe centrale. En sachant que quand on dit l'Europe centrale, il y a évidemment un grand nombre de chapitres. Dites-nous peut-être ceux sur lesquels vous avez travaillé en priorité. Oui, alors de façon très concrète, donc les travaux sur l'école de Durkheim m'ont amené à travailler sur la constitution et c'est difficile à formuler, sur, disons, la structure institutionnelle de l'université napoléonienne telle que les réformateurs de la fin du 19e siècle l'ont transformée en un système universitaire relativement moderne. Je dis relativement parce que par rapport à l'Allemagne, à l'époque du moins, on avait en France toujours un sentiment de, non pas de façon avouée, mais tout de même un sentiment d'infériorité. Donc il y avait toujours un regard vers le haut lorsqu'on regardait ce qui est devenu l'université de Humboldt. Et il y avait, bon, il y a des travaux là-dessus, il y avait un effort de rattrapage plus ou moins conscient du côté des réformateurs. Mais alors, ces travaux m'ont amené à essayer plutôt une technologie de saisie de ce qu'est un public universitaire par des moyens qui, à l'époque, n'était pas facile à faire fonctionner. On appelle ça la prosopographie, c'est-à-dire j'ai essayé de travailler sur les personnes importantes, sur les personnages importants, mais des personnages en grand nombre. Pour vous dire une idée là-dessus, pour l'ensemble des docteurs ès lettres de l'époque. Et j'ai élargi ce travail sur l'ensemble de ce qu'on peut appeler l'élite universitaire, pas de toute l'université napoléonienne, ça aurait été tout de même trop complexe, mais du moins le monde, la partie littéraire, c'est-à-dire les facultés des lettres, les grandes écoles de type littéraire comme École des Chartres, École du Louvre, École des Hautes Études, etc. Alors ça, c'était déjà un monde un peu plus maniable. Tout de même, lorsqu'on entre dans la liste des professeurs, dans la liste des docteurs, et puis j'ai élargi mon champ et je suis allé jusqu'aux agrégés, les agrégés littéraires, et je suis remonté au début de la fondation de l'université napoléonienne au 19e siècle, je me suis retrouvé avec une banque de données sur des fiches personnelles d'une vingtaine de milliers de cas. C'était extrêmement excitant, extrêmement prometteur, mais j'ai mal calculé la technicité et les difficultés techniques de cette étude, parce que à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur personnel, on ne pouvait pas entrer des données directement dans une banque de données utilisable par la suite de façon automatique. Je me suis retrouvé avec une banque de données sur fiche qui finalement a donné lieu à quelques études. J'ai fait même un livre, enfin demi-livre, dans une publication collective sur cette période de l'université napoléonienne jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout de même, je n'ai pas pu réaliser l'ensemble des recherches qui étaient, dont le matériel, disons, physique, était dans mes fichiers. Alors, d'où venait une deuxième inspiration, c'est de voir quels étaient l'effet en Europe de l'université napoléonienne. Maintenant, on sait que l'Europe au XIXe siècle a suivi dans la formation des universités, dans la construction des systèmes universitaires nationaux, l'Allemagne. C'était Humboldt qui était le modèle principal, l'université de Berlin en particulier. Et la France a eu des influences relativement importantes dans certains pays méditerranéens, en particulier en Italie, où il y avait dès l'époque de Napoléon, il y avait une scuola normale qui subsiste toujours, une école normale à Pise, en Roumanie, où il y a eu certaines des techniques d'examen, par exemple l'agrégation a existé en Roumanie. Dans d'autres pays aussi, en Grèce aussi, il y a des traces d'influence française, mais en Europe centrale, très peu. Sauf que je savais dès auparavant que à Budapest, en 1895, on a fondé un collège qui s'inspirait tout de même de l'école normale, c'est-à-dire c'était la troisième, après la scuola normale de Pisa, c'était une troisième école qui était fondée à côté des facultés, c'est-à-dire à côté de l'université établie, comme un lieu de formation d'excellence. Et je me suis mis très vite, très tôt, en fait, dès 72, à regarder ce qu'il reste des archives de l'école, de ce collège d'Otwösch. Alors, dans ces archives, j'ai trouvé beaucoup de choses. Et notamment, j'ai découvert que la documentation du monde universitaire, des étudiants, à la fois des étudiants et des professeurs, était beaucoup plus riche en Hongrie qu'en France. Par la suite, j'ai compris que dans toute la monarchie d'Autriche, à laquelle appartenait la Hongrie jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, jusqu'à l'effondrement de la monarchie, la documentation universitaire était d'une richesse extraordinaire, parce que à tous les niveaux d'ailleurs, pas seulement au niveau des universités, mais dès l'école primaire, c'est-à-dire dès que les élèves entrent dans un cycle de scolarité, ils devaient déclarer un tas d'informations l'autorité scolaire qui, en France, pratiquement n'existait pas. C'est-à-dire, il y avait la religion, la première chose, la langue maternelle, la deuxième chose. Indirectement ou directement, il y avait une déclaration de nationalité, parce qu'en Europe centrale, la nationalité, au sens ethnique, représente un enjeu d'identification sociale très importante. On a déclaré la profession des pères, bon, des parents en général, le lieu de résidence des parents, enfin, un tas d'informations qui sont, pour le sociologue historisant, d'une utilité extraordinaire et qu'on a très difficilement trouvé en France. Pratiquement, on ne trouvait que sur les écoles à concours, c'est-à-dire dans les grandes écoles. Dans les grandes écoles, il y avait une procédure de candidature qui comportait l'établissement d'un fichier avec beaucoup d'informations. Évidemment, pas de religion. Dans un pays laïque, il n'y a pas de religion. L'ethnicité, il n'était pas question de déclarer l'ethnicité. Encore que quelques bretons ou basques, peut-être. Ça aurait été extrêmement important. Ça aurait été très, très intéressant. Mais enfin, bon, évidemment... Tout était gommé, homogénéisé. La République ne tolérait pas ce genre de publicité d'information. Alors qu'en Hongrie et dans l'Autriche, partout en Autriche, Hongrie, enfin la vieille monarchie autrichienne, ce genre d'information existait, ce qui m'a donné l'idée de commencer d'abord modestement et par la suite avec de plus en plus d'intensité de travailler, et là encore prosopographiquement, c'est-à-dire en descendant jusqu'aux détails, en prenant des échantillons à la fois d'étudiants et de professeurs, et puis en élargissant ce champ, je suis allé dans d'autres directions, mais toujours travaillant sur des banques de données prosopographiques, et je continue à le faire, j'avoue, jusqu'à maintenant, mais encore une fois, ça a commencé dès les années 70. Cela dit, pendant une quinzaine d'années encore, je continuais à réunir les deux centres d'intérêt, d'un côté de type français, et puis les centres d'intérêt de type Europe centrale hongrois. Je dis Europe centrale parce que la Hongrie à l'époque comportait la Slovaquie actuelle, la Transylvanie, la plus grande région de la Roumanie, la Voïvodine, une région du nord de la Yougoslavie d'après. Et donc c'était vraiment une sorte de pays d'Europe centrale qui voulait ériger un État-nation sur une population dont la majorité, tenez-vous bien, à la fin du 19e siècle, ne savait pas la langue de l'État. Alors imaginez-vous un État-nation qui voulait être pareil à la France, avec une population où la majorité ne savait pas le français. Enfin bon, si vous voulez, il y a des cas comparables si vous prenez les Picards ou les Bretons ou les Basques. Mais enfin, à la fin du 19e siècle, quand même, l'école républicaine a transformé ces Basques, Bretons, quand même, ils sont devenus des francophones. Peut-être ils avaient un complexe d'identitaire intéressant, mais enfin, bon, pas comme les Parisiens ou les gens d'Île-de-France, mais tout de même, tout le monde parlait français. Tandis qu'à la fin du 19e, tout le monde, loin de là. 1900, le recensement de 1900 en Hongrie est le premier où une toute petite majorité de la population se déclarait de langue hongroise. La majorité n'était pas de langue hongroise, et cette petite majorité était due presque exclusivement aux Juifs qui s'étaient modernisés. Donc, la situation ne se comparait pas, et surtout, l'ethnicité dans ce pays jouait un rôle extraordinairement important. Et il faut rappeler que après 1919, ce pays relativement grand s'est disloquée complètement et la partie qui est restée hongroise est la partie mineure de cet ensemble qu'on appelait jadis le royaume de Hongrie, c'est-à-dire l'État historique. Ici, je cite le titre de quelques-uns de vos articles que l'on peut voir sur le très recommandable portail Cairn, C-A-I-R-N, vers lequel j'envoie volontiers nos auditeurs. Je lis « Les Juifs et le placement de pierre en Hongrie autour de 1930 »,« Football et antisémitisme en Hongrie »,« Bonnes à tout faire et prostituées dans la Hongrie d'Ancien Régime », il y en aurait d'autres. De nombreux. Y a-t-il un fil rouge ? Comment travaillez-vous ? Ces trois titres donnent l'impression de quelque chose qui passe d'un domaine à l'autre, mais qui permet peut-être de surveiller ou d'observer ou d'étudier quelque chose qui pourrait peut-être se synthétiser. Oui, oui. Et puis, si vous voulez, le principe de synthèse, c'est très simple. Il s'agit des transformations historiques, des inégalités sociales, d'un pays issu du féodalisme au sens plein du terme, c'est-à-dire le régime légal du féodalisme a perduré jusqu'en 1848. Alors il y a un système d'inégalité qui était d'abord basé sur la noblesse non noble privilégiée des villes et puis la paysannerie. Cette inégalité s'est compliquée par l'entrée de deux facteurs dans le système d'inégalité. Le premier, c'était l'ethnicité, et la seconde, c'est la diversité religieuse. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Hongrie est le seul pays devenu, par la force de toutes ces transformations sociales du XIXe siècle, un État dominé par les Hongrois, c'est-à-dire un semblant d'État-nation. Dans cet État-nation, il n'y avait pas de majorité religieuse. C'est le seul pays de l'Europe, pour parler très concrètement, fondé ou développé depuis la guerre des religions, depuis la paix de Westphalie au milieu du XVIIe siècle, où il n'y avait pas de religion dominante. Les Habsbourg ont voulu imposer le catholicisme latin comme religion dominante. Ça n'a pas complètement marché parce que les catholiques latins ont presque atteint la moitié de la population, mais jamais, ils n'ont jamais eu la majorité. Et le reste de la population était très dispersée entre protestants eux-mêmes extrêmement diversifiés et puis chrétiens orientaux. Multiconfessionnalisme donc, par défaut c'est donc. C'est un multiconfessionnalisme qui se retrouve dans aucun pays de l'Europe, à mon sens dans aucun pays du monde moderne. Enfin, je ne vois pas d'exemple où ça se retrouve à ce point-là qu'il n'y ait pas de majorité religieuse. Et lorsqu'on parle de religion, évidemment, c'est un court-circuit, si vous voulez, c'est une simplification, parce que lorsqu'on parle de juifs, on ne parle pas de groupe religieux, on parle d'un groupe qui est marqué par des origines religieuses, certes, mais qui est devenu un groupe qualifié comme tel, socialement, presque indépendamment de l'appartenance religieuse de ses membres. Parce qu'un juif converti reste un juif converti pendant longtemps, et il peut très bien essayer, enfin, de faire oublier ses origines, mais le milieu d'accueil, le milieu de vie où il existe, où il vit, ne l'oublie pas. Si bien que il s'agit finalement d'une forme d'identité neuve qui a des bases religieuses, qui a des souvenirs de remonter à un groupe religieux, mais qui n'est pas identique à un groupe religieux. Victor Carradis, pardonnez-moi de revenir là-dessus, mais ça me paraît important d'insister. Dans des domaines comme celui-ci, expliquez-nous sur quoi vous travaillez, ce que vous avez devant les yeux, ce que vous potassez, ce que vous étudiez, puisque vous semblez aimer les grosses quantités, les gros volumes. Tout à fait, tout à fait. On est dans des grandes banques de données. Alors, très concrètement, j'ai commencé à travailler donc sur le Collège Hotvush prosopographiquement, en faisant des fiches sur des étudiants reçus au collège. Deuxièmement, j'ai élargi ce champ sur l'ensemble des facultés des lettres. Il y en avait deux depuis 1872. Et puis, j'ai encore élargi ce champ sur l'ensemble des étudiants originaire de Hongrie, parce que ça devient de plus en plus compliqué lorsqu'on travaille sur les étudiants et sur les élites intellectuelles à la fin du 19e siècle. On se rend compte qu'une bonne partie de ces élites étaient formées jadis à Vienne, dans d'autres universités autrichiennes ou en Allemagne, de plus en plus en Allemagne. Donc il fallait prendre aussi les gens formés à l'étranger, mais qui revenaient dans le pays et qui faisaient partie des élites intellectuelles. Donc l'objet concret, c'est les élites intellectuelles, mais au sens extrêmement large, tous les diplômés faisant fonction intellectuelle dans le pays. Et alors ça commence au milieu du 19e siècle, et mon travail s'achève autour de la prise de pouvoir des communistes, c'est-à-dire ça s'étend sur les 100 ans, disons en gros de 1850 jusqu'en 1950. En réalité, je déborde des deux côtés ces deux dates, mais enfin, l'essentiel des recherches que je fais depuis une trentaine d'années, c'est l'approche très empirique du monde des intellectuels, c'est-à-dire des diplômés de niveau universitaire dans cette partie du monde qui est ce qu'on appelle l'Europe centrale pour l'essentiel, puisqu'il y a la Slovaquie qui est comprise, la Transylvanie qui est comprise, une partie de l'Autriche, la petite Autriche aussi est comprise, et puis il y a d'autres régions aussi. Donc c'est dans ce sens qu'on peut dire que mon travail porte sur la formation de l'intelligentsia en Europe centrale. qu'on peut dire, mais là, ça va être très compliqué pour vous, puisqu'il faudra le faire en deux minutes. Quand l'espace d'un siècle, avant l'arrivée du communisme, des régimes communistes, la formation va connaître des évolutions sensibles, va au contraire rester d'une grande stabilité, et si tel est le cas, quelles étaient alors les particularités, la haute valeur ajoutée de cet endroit de formation? On peut dire que les institutions universitaires dans le pays ont connu un développement et une modernisation assez rapide à l'époque de la monarchie bicéphale austro-hongroise. Depuis, c'est-à-dire dans l'entre-deux-guerres, après 1919, ce développement a continué. On ne peut pas nier que l'entre-deux-guerres était une époque de stagnation sous d'autres rapports politiques, économiques et d'autres. Mais de point de vue universitaire, parce qu'il y avait le numerus clausus des 1920, c'est-à-dire exclusion d'une partie très importante des futurs intellectuels des chances de faire des études. Mais en dépit de ça, il y a une modernisation qui a continué, si bien que certaines des universités comme la Polytechnique à Budapest étaient, je pense, dès la fin du 19e siècle, au niveau de certaines des meilleures écoles polytechniques d'Allemagne. Donc il y avait une modernisation, une formation, expansion considérable tout au long de cette époque. Eh bien, Victor Cardi nous donne la preuve qu'on peut travailler à la fois sur de vastes bases de données et donner à un micro, quand c'est demandé, une très grande faculté de synthèse et de résumé. On vous remercie, Victor Cardi. On va vous retrouver demain dans votre bureau et on abordera avec vous l'un des articles dont vous êtes signataire qui porte le titre « Les Juifs et les États-nations, période 18e et 19e siècle ». À demain.